Thank you. juste pour la forme, il y a un bassiste, mais on va jouer à deux, non? Batteur en les jeux. Qui joue la batterie? Power track, hein. Ouais, power track, je pense. Ouais. Il est français, power track. Power track, you play drum. Il est français. La batterie ou non? Yes. 90, ok. J'ai senti comme une amie. qui revient même à ton image. Je suis une ombre qui est et sera toujours. Toujours là pour toi, toujours là pour toi. Échappe à toi, et qui a manqué à certains. Je vois qu'un écran, une photo de toi. Bye bye. you. Good drum. And nice guitar. Thank you. Bye. A bientôt, Ekist. Nice drum, very nice drum. Thank you.